Exercice 5, page 20. Léna est devenue rapidement un bébé calme, puis une petite fille un peu trop sérieuse. Le petit visage de Malena avait perdu ses rondeurs.